suite à ma dernière vidéo où j'ai invité les gens qui écoutent mes enregistrements sur cette chaîne de diffusion web à me faire parvenir des commentaires, eh bien, j'en ai reçu quelques-uns dans les derniers jours. Et présentement, j'ai décidé de prendre la parole d'une manière différente de l'habitude. Habituellement, je prends la parole pour faire la lecture d'un texte d'une manière plutôt impersonnelle ou une improvisation en y entrant un sujet spécifique. Alors qu'aujourd'hui, ça va peut-être être même l'inauguration d'un nouveau type de vidéo que je vais diffuser sur cette chaîne, tout dépendant la quantité de messages que je vais recevoir par courriel. Donc, ça peut être le début d'un nouveau type de capsule, de chronique que je vais diffuser, où ce que je vais commenter les messages que je reçois à l'égard des enregistrements que je produis. Donc, ça va être plus participatif. Il va y avoir un échange avec le public qui va se faire dans le cadre de cette lecture de courriel que vous pouvez me faire parvenir à David Lévesque, supra@commercialhotmail.com. Donc, en fonction des messages que je reçois, je vais procéder à un tri pour déterminer ceux parmi eux que je vais lire ou non dans le cadre de futurs enregistrements qui visent à avoir un retour du public sur ce que je produis depuis plusieurs semaines sur Internet, des enregistrements où j'aborde une vaste gamme de sujets que je trouve comme étant fondamentaux en lien avec la conscience supramentale, où je définis qu'est-ce que l'âme, l'esprit, qu'est-ce que est par la suite l'ego, l'orgueil, donc ce genre de choses-là. Et donc, je vais débuter maintenant par la lecture de messages que j'ai reçus. Et c'est des messages que j'ai choisis parce que je les ai trouvés intéressants. Tout d'abord, avant de commencer, je veux juste mentionner, en prenant un instant, que je ne vais pas donner les coordonnées des gens qui m'ont fait parvenir ces messages par souci de confidentialité, car je ne sais pas si ces personnes veulent être reconnues ou non du public, parce que Internet est de plus en plus écouté. Donc, je vais tout simplement mentionner le prénom de gens qui m'ont fait parvenir des courriels et je ne lirai pas les courriels d'une manière intégrale, mais seulement les parties du courriel qui ne présentent pas d'informations personnelles et que je juge comme étant pertinent à commenter. Alors, premier message provenant de Sylvie. Alors, bonjour Sylvie. Elle m'écrit « Bonjour David, j'apprécie votre travail clair et efficace. J'ai été un peu en contact avec le matériel de Bernard de Montréal. Ma seule critique, le ton monotone. Au plaisir de vous lire. » Alors, Sylvie, par rapport aux commentaires que tu m'as écrit, je suis heureux que tu trouves que les enregistrements que je fais jusqu'à l'heure actuelle sont clairs et efficaces parce que ça répond à mes objectifs que je m'étais fixés par rapport à la production de ces enregistrements qui visent à aborder le plus simplement possible des sujets qui ont attrait à la conscience, donc des définitions qui touchent à l'ego, l'âme, l'esprit. Et je veux que ça soit clair dans le sens qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et c'est la raison, entre autres, pour laquelle j'évite le vocabulaire qui pourrait avoir donné place à des mystifications ou de la fascination ou de la croyance. Donc, de mon point de vue, par exemple, la fusion avec l'esprit, qui est un des sujets qui revient constamment au fil de mes enregistrements, parce qu'après tout, sur cette chaîne, je vise à m'adresser aux gens qui vivent la fusion avec l'esprit pour les accompagner dans leur vécu à travers des enregistrements. Donc, c'est sûr que certains, par exemple, vont définir la fusion donc de l'âme, la partie de l'individu qui écoute ces enregistrements et sa contrepartie cosmique, son esprit, ce que certains appellent le double éthérique ou l'ajusteur de pensée. Donc, certaines personnes vont la définir comme étant l'initiation solaire. de mon point de vue, de parler d'initiation solaire, je trouve que c'est une forme qui est mystifiante, qui peut créer de la fascination. Et c'est la raison pour laquelle je parle tout simplement de fusion entre l'âme et avec l'esprit. Et de mon point de vue, la fusion doit être vue d'une manière aussi simple qu'une personne qui va voir un technicien en câbleau distribution brancher un fil de câble dans une télévision pour la relier à un réseau qui va lui donner accès à une quantité phénoménale de postes, d'informations. Donc, c'est la même chose. Quand l'âme se branche avec l'esprit, elle a accès à plein d'informations qu'elle n'avait pas auparavant. Il faut que ça soit dédramatisé et vécu aussi froidement et d'une manière aussi banale que vous pouvez le vivre sans aucune émotion quand que vous regardez un technicien du câble brancher tout simplement un fil dans un interrupteur. C'est sûr que c'est pas très romantique, j'en conviens, mais en même temps, le but de mes enregistrements, c'est de démystifier les choses et les garder les plus simples. Pour ce qui est de l'efficacité, eh bien, il y a un souci d'efficacité qui anime ma vie et que je cherche à traduire dans ces enregistrements, plus particulièrement dans la série que j'ai produite là, dans les dernières semaines où ce que je visais à éviter le blabla inutile pour aller directement au sujet, droit au but. Et pour être efficace, de mon point de vue, ce qui est essentiel, c'est que l'individu ne néglige pas sa santé, son travail, sa vie de couple pour sa relation avec l'esprit lorsqu'il vit la fusion avec lui et qu'une communication consciente se produit. Donc, autrement dit, si la personne vit la fusion avec son esprit, se met à négliger son travail, à s'absenter, négliger sa conjointe, sa santé, il ne s'alimente plus, il a des problèmes d'insomnie parce qu'il passe son temps à discuter avec l'esprit parce que c'est nouveau. Ça, c'est néfaste. Donc, il doit rester efficace dans sa vie tous les jours pour être capable de fonctionner adéquatement sur le plan matériel et ainsi avoir un équilibre de vie qui passe donc par la santé, le travail, et aussi une vie de couple, s'il est en relation, donc avoir une relation adéquate avec son ou sa partenaire pour éviter les pertes d'énergie et être bien dans sa peau. Sylvie a mentionné qu'elle a été en contact avec le matériel de Bernard de Montréal. Eh bien, moi aussi, Bernard de Montréal, dans le domaine de la conscience supramentale, a amené beaucoup de choses intéressantes. Et ça a été une grande source d'inspiration, un pionnier en la matière de cette science nouvelle qui descend sur le globe à l'époque actuelle. Mais éventuellement, les gens doivent être capables de produire par eux-mêmes du matériel supramental. Ils doivent être capables de répondre eux-mêmes aux questions. Ils doivent être autonomes. Ils ne doivent pas dépendre d'un maître. Ils ne doivent pas dépendre de Bernard de Montréal ou de quiconque d'autre qui peut diffuser une instruction supramentale. Donc, l'individu doit être libre de tout ça. Et avec le temps, j'ai trouvé ça intéressant, mais en même temps, j'ai pris une certaine distance à l'égard de mots qu'il a utilisés, comme par exemple de parler de l'homme du Verseau, de conscience jupitérienne, d'initiation solaire. Bien, je trouve que c'est des formes qui peuvent amener des mystifications, ce qui doit être évité, de mon point de vue, pour garder la chose la plus simple, la plus claire, la plus limpide possible. Et sinon, bien entendu, je préfère parler de l'humain ou de l'individu quand on parle des gens d'une manière impersonnelle plutôt que de parler de l'homme, parce que dans le concept de l'humain, ça inclut l'individu masculin et féminin, donc pour inclure également la femme. Donc l'humain, de mon point de vue, quand j'emploie ce terme régulièrement, au fil des enregistrements, c'est pour définir l'humain en général. Sinon, pour ce qui est du ton monotone, qui est la critique que me présente Sylvie, eh bien, ce que je peux mentionner, c'est que je pourrais, dans les prochains jours, faire des tests pour voir si le fait de parler avec plus de spontanéité amène davantage de clarté dans mes propos ou j'y perds au change. Parce que le ton monotone est souvent présent dans les enregistrements où ce que je fais de la lecture, j'en suis conscient. Par contre, je sais que ça peut se travailler, donc je vais voir qu'est-ce qui peut être fait. Sinon, je vais passer au deuxième courriel, donc un message qui provient cette fois-ci d'Aurélie. Alors, Aurélie écrit « Bonjour David, je suis depuis le début et je tiens à vous remercier pour vos vidéos qui sont adéquates à ma vibration. Je voudrais seulement vous suggérer quelque chose sur votre présentation à chacune d'elles. Pour moi, le ressenti va très bien, mais l'intellect peut porter ambiguïté. Je m'explique. Pour ceux qui pourraient ne pas avoir l'habitude d'être dans ces registres, l'intellect peut aussi supposer le plan mental inférieur ou alors préciser le plan mental supérieur. C'est la première chose qui m'a fait tilt. Donc ici, j'ai l'impression qu'elle fait une remarque par rapport à la mise en garde que j'ai produite en début de la plupart de mes vidéos. Alors je dis avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Alors, le but de ce message, l'idée, pourquoi que je propose le ressenti, ben c'est sûr que si la personne qui écoute a une conscience vibratoire, elle vit elle-même la fusion avec l'esprit, donc étant branchée sur l'énergie de l'esprit, elle peut percevoir par vibration, ben tant mieux, mais si elle ne le vit pas, donc je dis aux gens, pour les protéger, de tout simplement de vérifier avec leur intellect, à défaut d'avoir accès à une conscience vibratoire, pour vérifier la pertinence de ce qui est dit, étant donné que, de mon point de vue, la plus belle preuve d'amour et de respect qu'un communicateur dans le domaine de la conscience peut faire, c'est de protéger les autres individus qui écoutent ces enregistrements de lui-même. Donc, autrement dit, pour pas que les gens fassent de la croyance avec ce qui est dit, s'ils ne peuvent pas évaluer ça à partir d'une conscience vibratoire, qu'ils l'évaluent avec l'intellect. Et donc, à ce moment-là, au lieu de croire certaines choses qui sont dites ou être fascinés ou mystifiés par elles, il est beaucoup plus pertinent que la personne les trie avec l'intellect, donc que de pas les trier du tout, être tout simplement dans la croyance et à ce moment-là sombrer dans la dérive sectaire, les superstitions et les mythes. Donc autrement dit, je ne suis pas contre l'intellect, à différence de beaucoup de gens qui parlent dans le domaine de la conscience, mais le vois plutôt comme un outil temporaire dans l'évolution de l'individu. C'est-à-dire qu'à défaut d'avoir accès à une conscience vibratoire, supramental, la personne est mieux d'utiliser l'intellect pour faire le tri par rapport aux informations qui lui est présentées. Sinon, Aurélie a écrit « Bon, je vous souhaite une très bonne continuation. Je veux souligner aussi que j'apprécie notamment de ne pas être forcément dans le payant, faire payer vos vidéos. » Oui, les vidéos sont gratuites présentement parce que ça participe à mon développement. Et si ça peut aider des gens, eh bien, tant mieux. C'est sûr que je ne suis pas naïf. Présentement, il n'y a pas nécessairement de demande du public en général pour la conscience supramentale. La preuve, les médias de masse n'en parlent pas. Mais éventuellement, il va y avoir un nombre croissant d'individus à la surface de la Terre qui vont vivre la fusion. Donc, ça va venir. Mais en attendant, c'est sûr que je fais la chaîne essentiellement par rapport à mon évolution personnelle. En terminant, s'il y a d'autres personnes qui ont des commentaires concernant les vidéos et textes que j'ai produits, vous pouvez m'écrire à mon adresse courriel que je répète, donc David Lévesque, supra@commercialhotmail.com. Donc, je vais faire le tri dans les messages que je vais recevoir au fil du temps. Et il est possible qu'éventuellement je fasse une autre enregistrement où je vais commenter les commentaires. Donc d'ici là, vous pouvez me faire parvenir vos messages en marquant tout simplement le prénom. Et ça peut être intéressant aussi de marquer l'endroit où ce que vous êtes parce que de par les statistiques de visionnement auxquelles j'ai accès, je réalise que j'ai des gens qui écoute les vidéos un petit peu partout dans le monde. Alors, je vous salue partout où ce que vous êtes. Et c'est ce qui va compléter cette vidéo. Et c'était David Lévesque au micro. Au revoir.